عشرات الساعة لسين دولار. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, on continue avec les signes de la fin des temps, أشرات الساعة. Et la semaine dernière, on avait parlé de ce signe qui fait partie des signes de la fin des temps, des petits signes de la fin des temps, qui est la propagation de la consommation du vin, de l'alcool, donc de ces produits illicites. Et on en a parlé dans les détails lors du dernier sermon. Et il suffit de savoir que le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim a dit « Kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram » comme a dit sahih muslim. Tout enivrant est considéré comme du vin, comme de l'alcool. Et tout enivrant, kullu muskirin haram. Tout ce qui te sort de ton état est strictement interdit. Donc, entre dans ce hadith-là, tout ce qui te sort de ton état, comme on avait dit, comme tous les types de drogues qu'on peut rencontrer au jour d'aujourd'hui. Et parmi ces drogues-là, na'am, il y a aussi ce qu'on appelle la chicha. Parce que certaines personnes disent comme quoi la chicha, ce n'est pas considéré comme le hashish, etc., etc. Donc ici, on sait très bien que les gens, quand ils consomment de la chicha, d'accord, cette drogue, ils sortent de leur état quelque part. Donc ils te disent je me sens bien, etc., etc. Donc ils sont plus eux-mêmes. Donc c'est une drogue quelque part et ça enivre la personne, ça sort la personne de son état. Donc c'est haram, comme le prophète alayhi afdalus salat wa taslim l'a dit. Parmi les signes de la fin des temps aussi, il y a ce que le prophète alayhi salat wa salam a dit, ce qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui, lil asaf. Le prophète alayhi salat wa salam a dit, le hadith est rapporté par l'imam Ahmed, authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. Ici, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens rivalisent de beauté par rapport aux mosquées. Et dans une autre version, d'An-Nasa'i et d'Ibn Khuzayma, rahimahumullahu jami'an, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, parmi les signes de l'heure, il est que les gens rivalisent de beauté par rapport aux mosquées. Donc parmi les signes de la fin des temps, c'est qu'il y a cette concurrence. Cette concurrence, ici, ce n'est pas dans le bien, walakin dans le mal. À la base, peut-être la concurrence était dans le bien. C'est-à-dire, des gens ont construit une mosquée, et d'autres personnes ont voulu appliquer le verset coranique. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Peut-être à la base, leur intention était bonne. C'est-à-dire, comme un tel ou comme telle association, comme tel groupe de personnes, comme dans telle ville, ils ont construit une mosquée. Et une mosquée, c'est les meilleurs endroits sur la surface de la terre et les endroits les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la surface de la terre. Buyutullahi azza wa jal. Donc nous aussi on va faire de même. Walakin par la suite, pendant la construction ou après la construction, voici la mauvaise concurrence qui est intervenue. C'est-à-dire, eux ils ont une belle mosquée, nous on va embellir encore mieux notre mosquée pour avoir une plus belle mosquée que les autres. Wal'iyadu billah. Tazyinul masajid. L'embellissement des mosquées en vue de se concurrencer dans le mal. Parce que ça, ce n'est pas une concurrence dans le bien, wal'iyadu billah. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus, tazyinul masajid, l'embellissement des mosquées, même, bil Qur'an il karim, bi ba'd al ayat min kitabillahi azza wa jal, avec le Coran, avec certains versets du Coran, wal'iyadu billah, alors que tout ceci relève de l'bida', des innovations. Et ceci n'est qu'un acte répréhensible, wal'iyadu billah. Déjà, awalan, on ne peut pas embellir les murs d'une mosquée ou n'importe quel autre mur avec le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala ma anzala hadha al-Quran al-Karim li tazyin al-judran ou al-hawa'it. Allah n'a pas descendu révéler le Coran al-Karim pour embellir les murs, que ce soit des mosquées ou les murs de chez toi. Donc ici, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le fait d'embellir tout simplement une mosquée, ceci est interdit à partir du moment où il y a du gaspillage. D'accord? Et il y a une concurrence à travers tazyin ul masajid, à travers l'embellissement des mosquées. C'est-à-dire, j'embellis la mosquée pour dire aux autres organisateurs ou aux autres associations, moi, j'ai une plus belle mosquée ou je gère une plus belle mosquée que vous. فَهَذَا حَرَمْ إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَّةِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Les actions ne valent que par leur intention. Donc ici nous disons l'intention est mauvaise et l'action n'est pas conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wa kama ta'lamun hadhihi al-qa'ida al-muhimma, inna Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu, يعني il n'accepte pas de n'importe quelle personne, que ce soit d'un pieux, d'un savant, de n'importe quelle personne, Allah Azza wa Jalla n'accepte pas n'importe quelle action à partir du moment où elle ne réunit pas les deux conditions. Al-ikhlas lillahi azza wa jalla wal mutaba'a, et que ce soit conforme à la législation. Al-ikhlas parce qu'Allah Azza wa Jalla dit wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah Azza wa Jalla en lui vouant un culte exclusif. Tu ne pries que pour Allah. Tu ne fais ou tu aides à construire une mosquée que pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Il faut qu'il y ait une intention sincère. Et il faut que ton intention c'est pour satisfaire Allah Azza wa Jal et pas dire aux gens j'ai une plus belle mosquée ou je gère une plus belle mosquée que vous. Déjà la première des conditions n'est pas là. Et la deuxième elle n'est pas là aussi. Parce que ceci n'est pas conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Car ni le prophète, et comme on va le voir, comme Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda l'a rapporté dans le Athar authentique, ni le prophète, ni le sahaba, ni le salaf, ni le tabi'in, ni l'atba'a tabi'in ont agi de la sorte. C'est-à-dire embellir les mosquées pour dire moi j'ai une plus belle mosquée que vous. Embellir les mosquées jusqu'à ce qu'on tombe dans ce qu'on appelle l'israf ou bien l'tabdhir, le gaspillage, l'excès, alors qu'Allah Azza wa Jalla l'a interdit quand il dit « Kulu wa shrabu, shay'un halal, mubah, il n'y a pas de mal, buvez et mangez. » ولكن ولا تسرفوا, ne commettez pas d'excès. Inna Allah la yuhibbu al-musrifin. Peut-être que les matériaux qui vont être utilisés à la base sont licites, il n'y a pas de mal. ولكن tellement qu'il y aura de l'excès dans ces matériaux. C'est-à-dire au lieu de faire par exemple, je donne un exemple, une verrière dans une mosquée à 2000 ou 3000 euros, ici parce qu'il faut qu'on parle ici en se mettant au niveau de notre époque ici. Donc au lieu de mettre une verrière à 2000 3000 euros, non, nous on veut un beau dôme qui vaut 400 000 euros. Ou bien, nous, on va faire un grand minaret qui vaut 200 000 euros. Alors que, ici, est-ce que, billahi alaykoum, le minaret va servir à quelque chose? Est-ce que la personne, Mouazzin, il va monter en haut pour que sa voix porte et il va s'élever, d'accord, jusqu'au haut du minaret pour que sa voix porte et pour que tout le monde entende? On est en France, déjà, l'adhan, ouvertement, c'est interdit. Donc, à quoi ça sert de mettre 200 000 euros dans un minaret, billahi alaykoum? Ou à quoi ça sert de mettre 200 000 euros dans un dôme alors qu'avec 200 000 euros tu peux faire une mosquée? Ça c'est pas l'israf ça. Ça c'est l'israf. Ça c'est de le pur gaspillage. Ça c'est de l'excès ou bien du gaspillage. Et Allah quand il parle du gaspillage, qu'est-ce qu'il dit? وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Et ne gaspille pas un jument car les gaspilleurs sont les frères de qui? Des diables. Donc l'excès est interdit et le gaspillage est interdit en islam. Comment étaient les mosquées à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? À l'époque des sahaba, certains vont nous dire, oui mais il n'y avait pas les matériaux qu'on a au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas le carrelage qu'on a au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas les matériaux, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas. Walakin, comment ils voulaient que soient ces mosquées-là? Écoute bien le athar, rapporté par al-Bukhari selon Anas, radiyallahu anhu wa arda. Il est rapporté, ou alors plutôt je vais vous citer d'abord le athar de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda. Omar ibn al-Khattab a certes interdit de décorer des mosquées car cela préoccupe les gens durant la prière. Lorsqu'il ordonna de rénover la mosquée du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Omar ibn al-Khattab quand il a donné l'ordre de rénover yani la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, il leur a dit quoi? Regardez ce qu'il a dit Omar. Protéger les gens contre la pluie. Contre la pluie afwan. Protéger les gens contre la pluie. Regardez pourquoi est-ce qu'il a dit mettez une belle décoration? Non, le but, protéger les gens contre la pluie. Et il dit ensuite, et fais attention à ne pas mettre de rouge ou de jaune, car tu troublerais les gens, rapporté par Al-Bukhari. Fais attention à ne pas mettre du rouge ou du jaune, car tu risquerais de tromper ou alors de détourner les gens de la prière, de leur concentration, de troubler les gens, de les déranger. Pourquoi? Parce que la mosquée, al-ahibba, c'est un lieu de culte. C'est un lieu où la personne, ici, doit ressentir une certaine spiritualité. Il doit avoir un certain délaissement avec al-dunya. Imagine-toi al-faqir, al-miskin. Il est déjà pauvre, miskin. Déjà, il sort dehors, il voit les gens passer avec de belles voitures, avec de beaux habits, avec de belles choses, il voit de belles maisons, etc. Donc ici, il veut rentrer à la mosquée pour se détacher un peu de hadhihi al-hayati al-dunya, de cette vie d'ici-bas. Walakin ils rentrent dans des mosquées, fawarabbil ka'ba, tellement qu'ils sont embellis, tellement qu'ils sont belles, tu passes plus de temps à rester contempler la mosquée, que ici penser à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Certaines mosquées c'est devenu comme quelquefois des musées. Tellement qu'ils ont été embellis. Imagine-toi le pauvre, le miskin, le faqir. Il part de dunya pour arriver encore dans dunya. Et ça, ça va le troubler, ça va le perturber. Jusqu'à ce que des gens ont mis tellement de décorations dans les mosquées que quand tu fais la prière, même si tu veux baisser ton regard, et ben même dans les tapis, il y a tellement de décorations que tu n'es pas concentré. Alors que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, selon Anas radiyallahu anhu wa arda, et le hadith il est rapporté par al-Bukhari, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ici, protège les gens de la pluie, tout simplement, d'accord? Et ici, il dit attention à ne pas mettre de rouge ou de jaune, car tu troublerais les gens. La preuve que, ici, la mosquée doit être ici un endroit où le musulman est déjà à l'abri des intempéries, d'accord, du froid, de la chaleur. Donc, il protège son corps déjà. Mais il protège aussi son âme. La preuve, Omar ibn al-Khattab, il a dit, car ici, les gens seront protégés de quoi? De la pluie. Donc, il a montré qu'il ne faut pas que la personne, le croyant, la croyante qui rentre dans la mosquée, ne soit touchée par un préjudice au niveau de son physique, de son corps. Et il parle aussi de l'âme, de la spiritualité, de la moralité, de la piété. Il faut pas qu'il soit dérangé. Et ici, il dit, et ne met pas de rouge et de jaune pour ne pas troubler la personne. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a un excès aussi de l'autre côté. Il y a des mosquées, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont tellement misé dans la décoration, qui ne sert à rien du tout, que par contre, quand il faut investir dans des choses qui vont préserver le croyant d'être touché par un mal au niveau physique, ils ne le font pas. Je m'explique. Des mosquées où on a gaspillé des millions et des millions, ou des milliers et des milliers pour la décoration. Walakin fawarabbil ka'ba, combien de mosquées en hiver quand tu rentres, tu es congelé. Si tu mets pas trois vestes. Tu as encore plus froid dedans la mosquée que dehors la mosquée. Billahi alaykum. Est-ce que la personne qui rentre à la mosquée, il va se dire, oh, je veux rester entre le Maghreb et l'Isha. Je veux rester entre Salat al-Dhuhr et l'Asr. Parce que je me sens bien physiquement et spirituellement. Ou est-ce qu'il voudra prendre la fuite? Omar ibn al-Khattab a parlé de ces deux aspects. Le physique et le spirituel. L'extérieur et l'intérieur. Il a dit, mais ici, c'est-à-dire, mettez un toit de sorte que il ne soit pas dérangé, perturbé. Il n'y ait pas de préjudice pour eux. À cause de quoi? La pluie. Et ici, pareil, il a parlé de l'état spirituel de la personne. Il ne faut pas qu'il soit dérangé. Il ne faut pas qu'il soit dérangé quand il fait la prière à cause des décorations. Voilà qu'il nous, non, les deux. Donc, ni chauffage, moins 2 degrés dans la mosquée. Pourquoi? Parce que j'ai dit, oui, il faut faire des économies. Ah, des économies. Et qui t'a dit de faire autant de gaspillage quand t'as construit la mosquée? Les économies, c'est pas comme ça en coupant le chauffage dans une mosquée. La personne, quand il rentre dans une mosquée, il doit trouver une mosquée propre. Il doit trouver une mosquée où il est à l'aise. Quand c'est l'hiver, alhamdulillah, il y a la chaleur dedans. Sans excès. Quand c'est l'été et il est dans des pays très très chauds, il faut qu'il y ait de la clim, surtout à notre époque. La climatisation, si c'est possible, ce n'est pas un moyen illicite. Et ça, ce n'est pas du gaspillage. Pourquoi Omar ibn al-Khattab, il a parlé de l'aspect physique de la personne. Et que la personne doit être à l'aise. Et ça ne doit pas la perturber. C'est-à-dire le climat ne doit pas lui perturber dans ses actes d'adoration. Et c'est pour ça que le croyant qui a bien compris cette religion et les responsables de mosquées doivent comprendre ça. Donc ici, il n'y a pas de gaspillage. Mais quand il y a un besoin de sortir de l'argent pour le bien-être des musulmans sans excès, là, à ce moment-là, il faut le faire. Donc ici, nous devons investir dans ces choses qui sont impératives. Comme le chauffage, comme la clim, quand il y a besoin d'avoir de la clim, sans excès. T'es pas dans une ville où quelquefois il fait 25 degrés, oh non, obligatoirement on achète une clim. Non, je parle dans des pays très chauds, comme par exemple l'Arabie Saoudite, vous voyez dans les messages, et d'ici il y a toujours des clims. Pourquoi? Car en été, quelquefois ça monte à 45, 50 degrés. C'est vrai que c'est très difficile. Donc ici il y a des moyens, on les utilise, alhamdulillah. Voilà qu'ici on ne part pas à l'excès comme certaines personnes partent. Ils coupent le chauffage en disant on fait des économies. Ah, j'économie ça. Ça c'est de l'excès ça. Et il y a l'autre excès où les gens font du gaspillage pour tout et n'importe quoi. Une mosquée doit être propre. Une mosquée doit être belle. Il n'y a pas de mal. D'accord? Ou peut-être belle plutôt, pour mesurer mes paroles. Il n'y a pas de mal. Mais est-ce que quand on dit quelque chose est beau, ça veut dire obligatoirement que cette chose est chère? Ou alors que cette chose a été belle ou a été embellie dû à un gaspillage et un excès? Non, abadan. Tu peux avoir un beau vêtement alors que tu ne l'as pas acheté cher ou de façon excessive. Tu peux avoir une belle mosquée alors qu'il n'y a pas eu de gaspillage. Tu peux avoir un endroit propre alors qu'il n'y a pas eu de gaspillage. Les mosquées doivent être propres. Les mosquées doivent être belles, il n'y a pas de mal. Et les mosquées, surtout avec les moyens qu'on a aujourd'hui, voilà qu'il ne doit pas avoir du gaspillage. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir de l'embellissement d'accord, ou alors de la décoration inutile. Mettre des carrelages ici, emporter de je ne sais où, pour ici embellir tout le mihrab, ou bien le mimbar, ou je ne sais quoi encore, et gaspiller des sommes hallucinantes. Ou la... Non, ici, une mosquée peut être belle, peut être propre, voilà, nous zaka Allah ahada cette mosquée. Alhamdulillah, est-ce qu'il y a eu du gaspillage? Est-ce qu'il y a eu des carrelages qui valent je ne sais pas combien? Est-ce qu'il y a eu des choses? Non, une seule couleur unie, alhamdulillah. Tous les matériaux sont des matériaux qui restent modestes. Voilà, Kim, c'est une belle mosquée, une mosquée propre, alhamdulillah. Sans embellissement, sans exagération, sans dépenses excessives dans la décoration, mais ce qu'il faut. Et c'est ça le juste milieu, ayyuhal ahibba, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Ce verset qu'on ne répétera jamais assez, c'est ainsi on a fait de vous une communauté de juste milieu. Le juste milieu est demandé dans toute chose, ayyuhal ahibba. Et particulièrement dans la construction des mosquées. Et là, on le voit, ayyuhal ahibba, des gens qui malheureusement, se concurrence d'une mauvaise façon dans les mosquées, dans l'embellissement des mosquées. Donc ici, ça ne suffit pas de dire « Oui, mais la mosquée c'est bien, on se concurrence dans la mosquée, donc c'est pas... » Non, mais il faut regarder dans les détails. Quel type de concurrence? Et pourquoi vous vous concurrencez exactement? Il faut réviser ses intentions. Ici, une personne va nous dire « Oui, voilà qu'il ici sans se concurrencer dans la religion, c'est quelque chose de bien. » Oui, mais de quelle manière? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, à titre d'exemple, le hadith est rapporté par Muslim. Ici, la jalousie n'est permise que dans deux choses. Dans le hadith rapporté par Muslim, ou envers deux personnes, il dit, envers une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné al-Qur'an al-Karim, et qu'il le lit de nuit comme de jour. Celui-là, t'as le droit de le jalouser, d'être jaloux envers lui. Et ça, ce n'est pas de la jalousie interdite, c'est ce qu'on appelle al-ribta ici. C'est une envie, et tu veux te concurrencer dans le bien, et tu l'envies, et tu dis, masha'Allah, tabarakallah. Et son acte te motive à faire de même si ce n'est plus. Donc ça rentre dans wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Et ça n'entre pas dans entraidez-vous dans le péché et la transgression, non, mais dans le bien et dans la piété. Parce qu'est-ce qu'il y a un mal ici? Il n'y a pas de mal. Lui, qu'est-ce qu'il fait avec le Coran al-Karim? Il a le Coran. Mais est-ce que ici le prophète alayhi salatu wassalam il a dit il utilise le Coran al-Karim pour se montrer devant les gens? Non. Mais il a dit il l'utilise d'une bonne manière, il le lit de nuit comme de jour. Pas de mal, concurrence-toi. La deuxième personne, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la personne à qui Allah a donné une fortune, et qui la dépense dans le sentier d'Allah pour satisfaire Allah azza wa jal, de nuit comme de jour. Est-ce qu'il y a un mal ici? Il a de l'argent, masha'Allah, peut-être il a beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Parce que c'est une fitna. D'accord? Allah, il a dit, on va vous éprouver par le mal et le bien. Ici, à titre de tentation. C'est une fitna avoir beaucoup d'argent, être dans le bonheur, être dans le bien, c'est une fitna. Est-ce que, ici, tu vas oublier Allah ou pas? Et Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salam, il dit, celui-là à qui Allah il a donné de l'argent, il dépense de nuit comme de jour, billayli wa nahar, ici tu as le droit de le jalouser. Et tu dis, masha Allah tabarakallah, et ici tu te concurrences dans le bien avec cette personne. Tu dis, inshallah ta'ala, je vais être mieux que lui. Et je vais essayer d'avoir plus d'argent pour dépenser encore plus dans le bien, fi sabilillah Azza wa Jal. Est-ce qu'il y a un mal ici? Non. Continue avec moi. Une personne va dire, bon moi je fais partie d'une association, et alhamdulillah on est dans un endroit, et on a construit une mosquée, et par la permission d'Allah Azza wa Jal, on a abouti à notre projet, etc. D'autres frères vont se dire, bah nous, ici alhamdulillah, nous on va faire de même, bi'idnillah Azza wa Jal, wa ta'awana 'ala al-birri wa taqwa. Là il y a pas de problème, ils nous ont poussés, ils nous ont aidés, ils nous ont motivés à faire le bien. Construction d'une mosquée. Donc nous aussi on va faire de même, inshallah ta'ala. Est-ce qu'il y a un mal? Il n'y a pas de mal. Maintenant, prenons le même cas. Ah, mais l'intention, elle change. Khlas, eux, ils l'ont fait, mais nous, on va faire la même chose, mais à 10 mètres de leur mosquée. Est-ce qu'il y a un mal ou un bien? Donc, ici, ce n'est pas simplement, je fais une mosquée, je fais le bien, tais-toi, t'as pas à me parler. Ça suffit pas, ya akhi. Il faut que ton action, ici, elle soit sincère pour Allah Azza wa Jal, et elle soit conforme à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand Allah, il parle dans le Coran al-Karim de al-masjid, de la mosquée. Il parle d'un type de masjid, de mosquée. C'est quoi masjid? Ad-dirar. C'est la mosquée qui a été construite en vue de quoi? Diviser les musulmans? Fi ahd al-Nabi alayhi salatu wassalam. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, Jibril, est venu le voir et lui a donné l'ordre de la détruire? Na'am, pourquoi? Ils ont fait une mosquée. C'est un acte louable. Mais, innama al-a'malu binniyat, c'était pourquoi? Pour diviser. Et quelquefois des gens le font en étant conscients. Ils veulent diviser. Il y a des gens, à cause de quoi? بسبب الجهل للأسف, à cause de l'ignorance, ils le font alors qu'eux, ils pensent faire le bien. Mais ils savent pas que l'action qu'ils ont fait, c'est pour diviser. Et donc, dans les deux cas, c'est mauvais. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas simplement, j'ai une bonne intention, je veux faire le bien, ça suffit. Non, il faut regarder, est-ce que ton action, ici, elle est conforme à la législation? Est-ce qu'il y a une grande maslah, un grand intérêt pour la Ummah, ou il y a plus de mafsada. Ici, il y a un plus grand mal pour la communauté. Donc si il veut construire à 10 mètres, ça ne sert à rien. On va dire, oui, mais la mosquée est pleine, celle-là. Donc on va dire, le mieux à ce moment-là, si la première mosquée est pleine, au lieu de construire une autre à 10 mètres, on va dire quoi? Le mieux, c'est de l'agrandir. Pourquoi? Parce que ici, si tu construis une autre mosquée, il y aura deux jama'a. Et deux jama'a, automatiquement, il y aura quelque part une division. Si tu n'as pas le choix, tu ne peux pas l'agrandir, tu veux construire une... Là, il n'y a pas de mal. Walakin, il y a des étapes avant d'arriver là. Donc nous disons ici, ce n'est pas le tout de vouloir faire le bien. Comme quelqu'un va nous dire, moi je veux faire une mosquée. Tu fais, walakin, à la fin, tu ne te concurrences plus dans le bien. Eux, ils ont fait une mosquée, nous bi'idnillah azza wa jal, on va faire du bien pour la communauté par la permission d'Allah, on va construire une mosquée. Non, c'est, on a construit, mais maintenant on se concurrence. Yatabaha an-nas fi al-masajid. Ah, tu vas te concurrencer dans l'ornement, l'embellissement des mosquées, wal'iyadu billah. Et ça devient haram. Ça devient interdit. T'as voulu faire le bien, t'as fait quelque chose de répréhensible. Bel, hada min ashrati sa'a. Plutôt ça fait partie des signes de la fin des temps. Regardez, et combien de gens, wallahi al-adim, ils se concurrencent ici à travers, on voit dans le mal à travers leurs paroles. Oui, mais notre mosquée est plus belle que l'autre mosquée. Nous, notre mosquée, on va faire quelque chose de plus beau que notre mosquée. Mais on n'entend pas, non, dans cette mosquée, masha'Allah, il y a plus de ilm. Dans cette mosquée, il y a plus de piété. Dans cette mosquée, il y a plus de sakina. Dans cette mosquée, il y a plus de bien. Dans cette mosquée, il y a moins de bid'ah. Non, nous, elle est plus grande, elle est plus belle, il y a plus de décoration, il y a plus de... Mais amma, si tu dis dans une mosquée, alhamdoulilah, il y a plus de confort. Est-ce que c'est un mal? C'est pas un mal. Tant que c'est pas un confort exagéré. Comme par exemple dans certaines mosquées, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans les premiers sofouf, ceux qui ont été par exemple en Arabie Saoudite dans Ba'd al-Masajid, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ici al-Maqa'id, ils mettent des places, des emplacements pour s'asseoir tout au long des sofouf. Ça c'est une exagération ça. Ça ici, si ils en mettent quelque part ils mettent dans un endroit, on va dire, réservé pour des personnes âgées, ou alors le mieux c'est de mettre directement des chaises. D'accord, comme ça la personne âgée, si elle est venue la première, là ça prend le premier rang aussi. Voilà qu'il doit réserver tout un premier rang avec des chaises vraiment qui sont fixes. Ici, ça c'est une exagération dans le confort, parce qu'on voit la plupart c'est que les jeunes et ils restent accoudés, etc. Et ça pousse à la fainéantise et à la paresse. Donc ça c'est une exagération. Voilà qu'il y a un confort, je veux dire, je préfère aller dans telle mosquée, non seulement parce qu'il y a la science, il n'y a pas d'innovation, voilà qu'il parce qu'il y a alhamdoulilah aussi il y a du chauffage en hiver. Amma dans notre mosquée, il fait 2 degrés dans la mosquée. Smahliya, je peux pas. Il n'y a pas de mal. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, warada dans le Bukhari, selon Anas, qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu fais la construction, la rénovation de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, fais attention que les gens ne soient pas touchés par la pluie. Donc, faites bien comme il se doit le toit. Et ici, à côté, il a parlé quoi? De la spiritualité, la concentration, al-khushu', à l'humilité. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et évite le jaune et le rouge. Pour pas que les gens soient troublés. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Ça, c'est les mosquées qui sont conformes à la législation ayyuhal ahibba. Amma les autres mosquées qu'on voit, malheureusement, il y a beaucoup d'exagération. Jusqu'à ce qu'on voit Al-Qur'an, Al-Karim partout dans les murs. Ici, le fait de rentrer dans une mosquée ayyuhal ahibba, déjà, tu te rappelles d'Allah Azza wa Jal. Tu te rappelles de l'islam. Tu te souviens du Coran. Tu vois des Corans partout. Tu vois, alhamdoulilah, tu entends l'imam qui récite Al-Qur'an. Est-ce que tu as besoin, même si on prend la théorie, des gens qui disent, oui, mais c'est pour te faire rappeler tel verset ou tel verset. Est-ce que tu as besoin, avec tout cela, toute cette ambiance qu'il doit avoir dans une mosquée, ici, encore des versets coraniques tout autour, et tu restes comme ça, regarder en l'air, comme ça, tellement qu'il y a des versets coraniques, et tu as même du mal à les lire parce qu'il faut suivre, Ça, c'est du n'importe quoi. Wallahi, c'est du n'importe quoi, et c'est de l'exagération. Allah subhanahu wa ta'ala, kama qulna, ma anzala hadha al-Qur'an al-Karim. Il n'a pas descendu ce livre. Il n'a pas descendu ce Coran, yu al-ahibba, litazin il-judran, pour embellir les murs, ou bien litazin il-masajid, pour embellir les mosquées. Ça n'a jamais existé à l'époque de Sahaba, ni à l'époque de Salaf, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Ça, c'est des innovations qui sont apparues à notre époque, lil-asaf al-shadid. Ça, c'est des pures innovations. Al-Qur'an al-Karim, il a été révélé pourquoi? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Qu'ont-ils à ne pas méditer al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ou ont-ils des cadenas dans leur cœur? Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de la méditation de al-Qur'an al-Karim. Et l'embellissement, yu al-ahibba de al-masajid. Avec al-Qur'an al-Karim, ces deux choses sont des choses qui font partie d'al-munkar. Parce que embellir une mosquée, même sans Coran, c'est interdit. C'est-à-dire embellir avec de l'exagération. Et embellir le Coran al-Karim, c'est interdit et ça a été interdit dans la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Le Coran lui-même l'embellir, c'est interdit comme on va le voir. Bi'idnillah azza wa jal, et je vais revenir sur ça par la suite, inshallah ta'ala. Et vous allez voir comment, ici, on vit cette époque que le prophète alayhi salatu wasalam avait signalé il y a 14 siècles. Même embellir les Corans, le prophète en a parlé. Et on va voir bi'idnillah azzawajal ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur ça. Donc on dit ayyuhal ahibba, l'entraide, la concurrence dans le bien, il n'y a pas de mal. Mais il faut faire attention. D'accord? Même si à la base c'est une chose licite, construire une mosquée, mais si tu suis cet acte avec une chose répréhensible ou une mauvaise intention, ça devient haram. Je construis une mosquée, mais je l'embellis et je me vante de cet embellissement devant les autres associations. Haram. Et il y a la concurrence qui est strictement interdite. Ça, on n'en parle pas. C'est par exemple se concurrencer dans le mal. Une personne va vendre des choses illicites pour avoir beaucoup d'argent pour acheter une belle voiture et l'autre personne va le concurrencer pour avoir une plus belle voiture. Ou le moins qu'on puisse dire des choses qui sont fortement détestables. Même si à la base la voiture elle a été achetée avec de l'argent halal. Voilà qui lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh, celui-là a acheté une belle voiture. Moi, je vais acheter encore une plus belle voiture même si avec de l'argent halal. Voilà qui c'est de la concurrence dans quoi? Dans le batil. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la terre et voit et fait mériter, c'est se concurrencer dans des choses mondaines, dans des choses de dunya. La voiture, première voiture va atterrir à la casse un jour ou un autre, ou elle va brûler, ou elle va... Et la deuxième voiture, pareil. Donc la preuve que quoi, c'est voit et fait mériter. Donc ça, c'est de l'entraide dans quelque chose qui repose sur rien de solide, ayyuhal ahibba. Et ça, c'est une concurrence, le moins qu'on puisse dire, détestable. Et une concurrence qui mène vers l'égarement. Et une concurrence qui te fait perdre ton temps, et qui te fait attacher à cette vie d'ici-bas. Et c'est pour ça qu'on voit des gens, malheureusement, qui font tellement attention à ce que les gens ont, et c'est à cause de quoi? Cet amour de cette concurrence. Et qui les fait tomber dans dunya, bien plus que ça, qui les fait noyer dans dunya. À chaque fois, il essaie de voir qu'est-ce qu'a acheté son frère. Ah, il a acheté une voiture, il faut que j'achète une plus belle voiture. Ah, il a acheté tel habit, il faut que j'achète un plus bel habit. Ah, elle a acheté une telle tapisserie, il faut que j'achète une plus belle tapisserie. Ah, ah, ah, ah. Et ça met la discorde entre les gens. Ça met la discorde entre les gens. Et ça éloigne al-hub al-mahabba entre les musulmans. Ad-dalilu ala dhalik. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand un compagnon comme Kamaja Afi Sahih est venu l'interroger, le prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, dullani ya Rasulallah ala shay'in idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Indique-moi ya Rasulallah une chose que si je mets en application, je fais, écoutez bien, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Izhad fi dunya. Ah, délaisse cette vie d'ici-bas. Agis avec renoncement envers cette vie d'ici-bas. Abandonne cette vie d'ici-bas. Izhad fi dunya yuhibbuka an-nas. Les gens t'aimeront. Wazhad fi ma aw izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Allah azza wa jalla t'aimera. Wazhad fi ma 'inda an-nas. Et délaisse ce qu'il y a chez les gens. Ce que les gens ont, yuhibbuka an-nas. Les gens t'aimeront. Regardez deux recommandations. Regardez la question qui vaut plus que de l'offre wa rabbil Ka'ba. Il voulait l'amour d'Allah et des gens. Car être aimé par les gens, tant que ça ne te pousse pas à être détesté par Allah, c'est demandé. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous l'a enjoint. Ici, quand dans le hadith, avec Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, quand il y a deux janazas qui sont passées, la première janaza est passée, les gens ont parlé en bien. Et le prophète, alayhi salam, a dit, wajabat, c'est accepté. Une deuxième janaza est passée, le prophète, alayhi salatu wassalam, a entendu les gens parler en mal. Le prophète Aïssam a dit wajabat. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda dit à Rasulallah, la première janaza, les gens ont parlé en bien, t'as dit c'est accepté. La deuxième janaza, les gens ont parlé en mal, t'as dit c'est accepté. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam dit, quand vous parlez des morts, parlez que en bien. Car ça, c'est des témoignages qui seront une hujja, un argument pour ou contre toi au jour de la résurrection, ya Abdallah. Donc on se doit d'être aimé par les gens, c'est-à-dire d'adopter un bon comportement. Et le fait que tu es aimé par les gens, sincère, pieux, vertueux. Parce que tu ne seras jamais aimé par tout le monde, sinon le prophète alayhi salatu wassalam aurait été aimé par tout le monde. C'est une preuve qu'Allah t'aime. Dans le long hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand Allah azza wa jal aime une personne, il dit, ya Jibril, j'aime un tel, aime-le. Et Jibril alayhi salam lance cet appel aux anges, al-malaika, il dit, Allah azza wa jal aime foulain, aimez-le. Et Allah subhanahu wa ta'ala descend l'amour envers foulain, envers un tel, dans le cœur des gens et les gens l'aiment. Donc quand les gens t'aiment, mais les gens bien, les gens pieux, les gens sincères, les gens vertueux, c'est pas les gens criminels, les gens jaloux, les hypocrites, non. Ceux-là, ils ont détesté même le prophète alayhi salatu wassalam. Ou des gens malades du cœur, pas, non. Des gens qui sont, ils ont aucune raison de te détester. Et ici, malgré ça, ils te détestent. Donc à ce moment-là, prends pas en compte. Là, les gens bien, beaucoup de gens t'aiment. Sache que c'est une preuve, incha'Allah ta'ala, qu'Allah azza wa jal t'aime. Et regardez la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Ya Rasulallah! Sahl ibn Sa'd, si mes souvenirs sont bons, as-sa'idi na'am. Et il dit, ya Rasulallah, dullani, indique-moi une chose que si je mets en application, je fais, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Il lui dit, khlas, tu veux être aimé par Allah, délaisse cette dunya. izhad fi dunya. C'est-à-dire, t'accroches pas à dunya jusqu'à ce que tu glisses et tu délaisses les préceptes religieux, les préceptes, les ordres divins et prophétiques. Et il y a des limites. Tu aimes dunya, mais avec certaines limites. Ad-dunya, garde-la dans tes poches, pas dans ton cœur. Il n'y a pas de mal. Tu aimes les belles choses, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Mais pas à l'excès, ça ne te détourne pas du rappel d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de mal. Tu as de l'argent, il n'y a pas de problème. Walakin, cet argent, tu l'utilises, fi sabilillah Azza wa Jal, tu sais que c'est une épreuve, qu'Allah te teste avec. Il n'y a pas de mal. Tu agis avec intelligence, avec bonne moralité, bon comportement, comme Allah Azza wa Jal, le prophète Alayhi Salam le veut. Walakin, tu n'es pas attaché à la dunya jusqu'à ce que quoi? Quand tu parles de dunya, ici tu parles avec un tel attachement qu'on t'a jamais entendu parler de la religion de la sorte. Et quand c'est l'heure de la prière et tu fais une chose de dunya, ah, tu délaisses la prière pour les choses de dunya. Non, il y a des limites. C'est ikhlas. Tu gardes la dunya dans tes poches et dans tes mains, mais pas dans ton cœur. Et tu fais devancer toujours al-akhirah. A'mal ou al-akhirah. Les actions de l'au-delà sur a'mal al-dunya, sur les actions de la vie d'ici-bas. Pas de mal. Délaisse la vie d'ici-bas, Allah t'aimera. Et délaisse ce que les gens ont. Et fawarabbi al-ka'ba, les gens t'aimeront. Ad-dalilu ala dhalik al-waqi'. La réalité des choses, ayu al-ahibba. Quand tu es avec une personne, tu sais qu'il te jalouse jamais. Il dit jamais, ouais, mais toi t'as ça, mais pourquoi t'as acheté ça, combien t'as acheté ça? Alhamdulillah, au contraire, il te veut toujours tomber. Il dit, masha'Allah, tabarakallah, la izid, les kakhouya. Et tu sens, et tu ressens. La personne n'a pas de jalousie. Alhamdulillah, il est bien avec toi, et même il veut ton bien. Tu es obligé de l'aimer. Mais quand une personne, toujours, il te pose des questions. Ça existe ou pas? Salam alaikum. Alaikum salam. Absha, c'est yara que t'as acheté. Ça existe ou pas? Wallah, je l'ai vécu aujourd'hui. À peine la personne, elle rencontre quelquefois d'autres personnes, il n'y a même pas de salam, tu vas bien, mashallah, tabarakallah, Allah yahafde, comment ça va, ça fait longtemps. À peine. Salam alaikum. Le frère, tu l'as pas vu depuis je sais pas combien d'années. C'est pas moi, hein, qui a dit. Mais bref, j'étais présent. Ici, à peine. Salam wa alaikum salam. Psha, c'est yara que tu as acheté. Ah non, il n'y avait même pas psha. Ou mashallah, tabarakallah. Il n'y avait rien du tout. Ah, la voiture que t'as acheté, j'ai vu que t'as acheté une voiture. Wallah, et Rabbama, le frère, il l'avait pas vu pendant des mois. Hada, c'est quoi ça, yu al-ahibba? Comment tu veux, billahi alaikum, ici, avoir l'amour envers telle personne, ou un type de personne, comme ça, yu al-ahibba? Billahi alaikum, tu vois pas une personne depuis des mois, à peine tu le rencontres, salam, salam, hop, c'est la Peugeot que t'as acheté. C'est quoi ça, yahi? Oh, automatiquement, tu vas dire, subhanallah, il m'analyse de A à Z, akhouya, il est que de dunya. Obligatoirement, tu vas avoir un détachement envers cette personne. Pourquoi? Est-ce qu'il a appliqué le hadith du prophète? Izhad fima indan nas. Et délaisse ce qu'il y a chez les gens, ce que les gens possèdent, et les gens t'aimeront. Vous avez vu, ça va à l'encontre. C'est l'inverse, c'est l'axe. Non, là, ça se voit qu'il a une attirance sur ce que tu as, toi. Donc, automatiquement, si on suit la logique, ayu al-ahibba et al-qiyas par analogie, est-ce que il va t'aimer, tu vas l'aimer? Non. Tu es obligé de le détester quelque part. Et d'avoir du dégoût envers lui. Donc, il ne faut pas rentrer dans l'exagération, dans la mauvaise concurrence, ayu al-ahibba. Ici, on doit avoir une entraide dans le bien. On doit s'entraider dans le bien et délaisser ce que les gens ont et ne pas rentrer dans l'exagération en disant toujours je veux me concurrencer dans les choses mondaines. Donc ça, c'est des choses interdites. Revenons dans l'embellissement. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a même interdit, et le hadith selon Aisha radiallahu anhu wa arda, je vais vous le citer, il a même interdit d'embellir les murs des maisons ou plutôt en les tapissant avec des tapis, avec des rideaux, avec. À partir du moment où il n'y a pas de raison de le faire et ça rentre dans le gaspillage. Hada la yajuz. Ça, c'est interdit. Ad-dalilu ala dhalik. Fama dhannukum bil masajid. Ça, c'est pour vous dire, et après que dire des mosquées. Ça, c'est juste les maisons. Et la meilleure des maisons sur la surface de la terre, ou les meilleures des maisons, c'est quoi? C'est le masajid, c'est les maisons d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète alayhi salatu wa salam et Allah subhanahu wa ta'ala n'ont jamais ordonné que les mosquées soient des choses extravagantes ou très embellies. Non, au contraire, ça va à l'encontre. Et il a bien précisé, et il a bien dit même que c'est min ashrati sa'a. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Et regardez, ne serait-ce que les maisons qu'on a chez nous, d'accord, c'est pas des endroits où il y a autant de spiritualité, on va dire, que les mosquées. Faut dire ce qui est, parce que c'est pas pour rien que le prophète Aïssa m'a rappelé que les endroits les plus aimés d'Allah Azza wa Jal, c'est les mosquées. Mais avec cela, rentrer dans l'exagération, al rouleau, ici même dans l'embellissement des maisons, c'est interdit. La preuve de cela, rapportée par Muslim, selon Aïcha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Elle rapporte que le prophète Aïssa wa Jal s'était absenté pour une ghazwa ou pour un voyage. Et quand le prophète alayhi salatu wa salam est revenu, il a vu une chose que ça n'a pas plu au prophète alayhi salatu wa salam. Il a vu que Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, alors qu'il était absent, elle a tapissé une porte. d'un rideau ou d'un tapis. Le Mouhim, elle a orné une porte. Il n'y avait pas lieu de l'orner. Simplement, elle a mis. C'est comme si on va dire maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu as une porte chez toi à la maison, bab, et si tu mets, yani, sur la porte, un rideau encore. D'accord? Le prophète, alayhi salatu wasalam, al hadith rawahu muslim, hein, il est rapporté par muslim. Il a réprouvé cela, il a dit, assurément, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné, dans la subsistance, risque, la subsistance qu'il nous a donné, qu'il nous a octroyé, d'embellir et de garnir les murs. Rapporté par muslim. Il nous a interdit d'embellir et de garnir les murs. Et il y a plusieurs de hadiths qui vont dans ce sens. L'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a dit que ce hadith et les autres hadiths montrent que c'est makro, c'est détestable. Le fait d'embellir les murs, de tapisser les murs, sans raison valable. Et surtout quand ça rentre dans quoi? Al-Israf ou bien Al-Tabdhir, fahada la yajouz. Ça c'est interdit. Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit, il est détestable, makro, d'accrocher des rideaux aux portes. S'il n'y a pas de nécessité, daroura, où il n'y a pas de hajj, il n'y a pas de besoin. Et lorsqu'il y a déjà quelque chose pour fermer, comme les portes par exemple. Et de la même manière, il est détestable de mettre des rideaux dans l'entrée lorsqu'il n'y a pas d'exigence à cela. Si cela est fait sans nécessité, alors automatiquement c'est at-tabdhir, c'est du gaspillage. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, il dit dans le Mughni, quant à couvrir les murs avec des rideaux ne comportant pas d'image, si cela est fait par nécessité pour se protéger de la chaleur ou du froid, alors il n'y a aucun mal. Car il les utilise pour des besoins. Quand il y a une hajj, un besoin qui est demandé, il y a une raison, sabab, une cause, il n'y a pas de mal. Walakin, quand il n'y a aucune raison, ici Ibn Qudama il dit, les rideaux s'apparentent dans ce cas à une porte. Quant à habiller les murs, si cela est sans nécessité, alors cette chose-là est détestable. Et certains savants, ils ont dit c'est haram. Donc ici, simplement embellir les murs des maisons avec des tapis, avec des rideaux, ici, s'il n'y a pas de raison, c'est makro, détestable. Certains savants disent c'est haram. Donc ici, quand on voit des gens au jour d'aujourd'hui qui vont nous dire, oui, mais les tapisseries. Et à la base, le prophète Hassan, dans un autre hadith, il a dit, ici, de laisser les pierres comme telles. De ne pas embellir les pierres, de ne pas couvrir les pierres, etc. Donc ici, on va dire à l'waqi, la réalité des choses veut que maintenant tout le monde tapisse les murs. Parce que sinon, ça va avoir une allure qui va même peut-être te faire déprimer quelque part. Si tu vois que ici, les murs, le béton, etc. Nous disons, la moindre des choses, il ne faut pas que ça soit rentrer dans l'excès et trop décorer, même la tapisserie. Il faut que la personne, comme on a dit, ça c'est la règle de base. Avoir une belle maison, il n'y a pas de mal. Avoir une belle mosquée, il n'y a pas de mal. Être beau, bien habillé, il n'y a pas de mal. Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. C'est le même hukm, même jugement pour tes habits, comme pour la maison, comme pour les mosquées. Comme جاء في صحيح مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Ah, ce hadith, on le répète souvent. On ne rentrera pas au paradis sur lequel poids d'un atome d'orgueil dans le cœur. Ils ont dit à Rasulallah, inna rajula minna, ici, il y a un homme, il y a des hommes parmi nous qui, ici, aiment avoir de belles sandales et de beaux habits. Et le prophète, il a dit, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Ah, de beau, il a dit de beau. Donc ici, Allah est beau, il aime ce qui est beau. T'as des belles sandales, t'as des beaux habits. Walakin, il dit, c'est quoi le kibr? Batarul haq wa ghamtun nas. D'accord? C'est-à-dire, rejeter la vérité et mépriser les gens, wal'iyadu billah. Walakin, la beauté, ou ce qui va te pousser, si ce qui va te pousser à t'embellir, yani, te faire entrer dans un excès, un gaspillage, ça devient haram. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas qu'avec un texte. Il y a les autres versets coraniques où Allah Azza wa Jalla dit, kulu wa sharabu wa la tusrifu inna Allah la yuhibbu al-musrifin. Faut pas que ça soit du gaspillage. Quelqu'un va nous dire, j'ai mis une belle veste parce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, ici Allah est beau, il a ce qui est beau, il y a des compagnons. Ils ont dit, ici il y a des gens qui aiment avoir de beaux habits et de belles vestes, donc il achète une veste à 500 euros. Donc on regarde ce qui est connu par les gens. Est-ce que 500 euros une veste c'est exagéré ou pas? Voilà, vous hésitez ou quoi? Inch'Allah. 500 euros c'est de l'abus ou pas? Bien sûr que c'est de l'abus. 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. C'est un excès quelque part. Amma, ici je ne dis pas que la personne ne doit pas mettre d'argent ou alors de se faire plaisir de temps en temps. Mais pas de... l'excès il est connu par tous et toutes. Il n'y a pas besoin d'être un grand savant. Tu regardes la réalité des choses qui est connue par les gens. Faut juste pas rentrer dans un trop grand excès, surtout quand tu n'as pas. Il y a des gens maintenant tellement qui rentrent dans l'excès, ils vont au-dessus de leur capacité. Et ça c'est musiba. Musiba ala musiba. Déjà il fait de l'excès alors qu'il n'a même pas les reins solides pour assumer cet excès-là. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Oh, je veux avoir un bel appartement. Tout de suite, c'est devenu mécanique. Crédit. Ah, il n'y a pas d'intérêt à Khoya. Il y a les aides sociaux qui nous aident, qui nous ont dit, Subhanallah, ayyuha al-ahibba. On ne parle pas que d'intérêt. Le prophète, alayhi salatu wasalam, quand il cherche protection auprès d'Allah, azza wa jalla, contre une chose, c'est que cette chose-là, à la base, ou elle peut être un mal et quelquefois un grand mal. Et le prophète alayhi salatu wasalam, il demandait protection auprès d'Allah azza wa jalla contre quoi? Contre ad-duyun, contre les dettes. Donc est-ce qu'il dit, il a demandé protection contre le riba? Les intérêts. Non, les dettes. C'est pas parce que c'est des dettes, il n'y a pas d'intérêt, c'est halal. Dans tous les cas. À la base, c'est halal. Walakin, quelquefois, ça peut devenir haram. Si tu le fais sans aucune raison, et si ça te pousse à aller au-dessus de tes capacités, et surtout quand tu fais du gaspillage, etc., etc. Tu t'écartes des dettes. Ça, c'est ce qui est demandé en islam, ayyuhal ahibba. Et il y a des gens, maintenant, il n'y a même pas de raison. Pourquoi tu fais un crédit? Et en plus de ça, regardez, c'est pour un munkar. Pour acheter de la super belle tapisserie à la maison. Donc, je vais faire un crédit ou acheter des super beaux meubles et tu ne peux pas, akhil habib, va. Selon tes capacités. Et quand tu auras, il n'y a pas de mal, c'est pas haram si tu veux avoir une belle maison, mais sans excès. Tu peux avoir une très belle maison, sans gaspillage, mettre des tapisseries, ou à la kin des tapisseries, des couleurs assez simples pour pas trop embellir, et que ça soit pas du gaspillage. Il y a une différence entre un rouleau. Faut parler avec la réalité des choses ici, sinon les gens ils vont pas comprendre, et ça c'est demandé à tout prédicateur, tout imam, et toute personne qui transmet cette religion. De se mettre au niveau des gens et au niveau de notre époque. Donc on parle avec des faits concrets. Un rouleau de tapisserie. Bon, les femmes y connaissent plus, je pense. Mais les hommes aussi. Combien ça vaut en moyenne un rouleau de tapisserie? Combien? Oh, c'est à moi, personne ne connaît. Hein? 10 euros. On va dire 10 euros. Ici, un rouleau de tapisserie d'euros. Est-ce qu'il y a des rouleaux de tapisserie à 70 euros? Il y en a. D'accord. Donc, en moyenne, 10 euros. 70 euros, c'est du gaspillage ou pas? Voilà, c'est clair. C'est des choses connues. Qu'est-ce que tu vas mettre 70 euros dans un rouleau de tapisserie alors qu'à la base, tapisser les murs, ce n'est pas bon. C'est macro d'exagérer dans le fait de tapisser les murs avec des rideaux, avec des... Donc si on dit de même, si c'est pour rentrer dans l'excès, et à la base l'excès c'est interdit, donc rentrer dans l'excès à travers de la tapisserie, d'accord? S'il y a un besoin de tapisser les murs, etc., il n'y a pas de mal, ou avec une sans excès, et sans exagérer dans la décoration, sans exagérer dans les décorations et dans le prix aussi. Et ça c'est un excès dont beaucoup de gens sont tombés. Voilà, iyadu billah, wallah, il a adem avoir une belle maison, c'est bien. Pour se sentir bien. Avoir une maison propre, c'est bien. Parce que al-iman ayyul ahibba, la foi, ce n'est pas que faire la prière. Être propre, ça fait partie de la prière ayyul ahibba. Avoir une apparence propre, c'est bien. Walakin, pas d'exagération. Ou la femme, elle passe 5 fois ou 10 fois la serpillière tous les heures. Et si tu lui dis pourquoi? Oui, parce que j'ai vu une mini poussière. Et le prophète alayhi salam, tu crois qu'il y avait quoi? Du lino et du carrelage quand il dormait par terre? Il y avait quoi à l'époque du prophète alayhi salam? C'est quoi? C'est de la terre. À côté de l'endroit où il dormait. Où elle dormait, Aïcha radiallahu anhu, c'était du lino, c'était du carrelage, c'était quoi? C'était de la terre. Ou alors c'était des feuilles de palmier. Donc ici la poussière, c'est devenu comme si c'était la poussière, c'était quelque chose qui allait nous apporter des cancers ou des... Faut pas exagérer. Il y a un juste milieu. Et combien de personnes? Et moi je me souviens encore d'une personne. Si mes souvenirs sont bons, wallah il adim, elle se plaignait. D'accord? Parce qu'elle rentrait trop dans l'excès. Elle pouvait pas. Et il y a des maris qui supportent plus ça. Des femmes qui rentrent trop à l'excès, c'est devenu une maladie. Comme il y a des gens qui rentrent dans l'excès dans le wasawis, wallah, et je connais encore une sœur qui me disait, je me tape la tête contre les murs. Tellement que je peux pas. Et il y a des femmes qui sont enfermées chez elles, et qui tellement qu'ils se consacrent à quoi? Ils ont rempli leur cœur avec des choses de dunya, le ménage, qui se sont mis à fond dedans, parce que ça a pris une grande place dans leur cœur, et ils font que ça toute la journée. Et quand tu dis à certaines sœurs, est-ce que vous arrivez à vous organiser dans la journée pour apprendre la science, pour apprendre le Coran, pour écouter un dars? Je n'ai pas le temps. Mais si tu suis quelques sœurs, quelques fois, tu vas voir qu'ils mettent des heures et des heures dans des choses inutiles. Le ménage, oui, et ça prend du temps, et c'est difficile pour la femme, et il faut le reconnaître. C'est des tâches qui, même peut-être des hommes avec la force qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, on n'arriverait pas à les assumer. Mais Allah azza wa jalla a mis chaque personne à sa place. Subhanahu wa ta'ala. Et ils font un travail honorable, masha'Allah. Et rentrer chez soi et voir que c'est propre, que ça sent bon, c'est très important. Ça donne un équilibre à la vie aussi. Walakin, pas d'excès. Rester 10 heures dans le ménage, et pas une demi-heure et une heure pour apprendre le Coran ou suivre un dars. Donc si la femme est partie dans cet excès, qu'elle sache qu'elle est malade. Il faut qu'elle se ressaisisse avant que ça aille trop loin. Donc avoir un appartement propre, bien, pas d'excès. Avoir un appartement beau, pas de problème, pas d'excès, pas de gaspillage. Et fawarabbil ka'ba, tu verras les gens qui veulent faire ou avoir un appartement très beau, plus ils vont faire des efforts dans l'embellissement et la décoration de leur appartement, et plus tu vas voir que c'est horrible. Wallah al-adim, en général, plus tu vas voir que c'est horrible. Et plus la personne va se concentrer dans ça, et plus tu verras qu'elle va tellement embellir, refaire, qu'elle va être perturbée dans sa vie. Tous les 3 mois ou 4 mois, elle devra refaire la tapisserie de chez elle, ou alors refaire le sol de chez elle, ou alors, sans nécessité. Je dis pas quand il y a un besoin. Sans nécessité. Ah, ça me plaît plus. Pourquoi? C'est que tu es rentré dans un engrenage. Tu as été touché, frappé par al-wasawis. Par les suggestions sataniques. Non, il faut que pourquoi tu t'es concentré trop dans ça? Tu as rempli ton cœur avec ça. Mais si tu avais rempli ton cœur avec al-akhira, Tu avais agi avec délaissement de la vie d'ici-bas. Tu aurais voulu quelque chose de bien, mais c'est propre, ça suffit. Là, j'ai al-baraka. Maintenant, khlas. Je vais me concentrer dans ce qui va apporter as-sakina, ar-rahma, la miséricorde, la sérénité dans mon appartement. Ce qui va nourrir mon corps. Ce qui va m'apporter le bonheur dans ma vie. C'est-à-dire de faire vivre ma maison avec le Coran al-Karim. Comme a dit Ali sallallahu alayhi wa sallam, inna shaytan yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi sourate al-Baqara. Shaytan, il fuit d'une maison où est lu, récité, sourate al-Baqara. Sourate la vache. Tu vas faire vivre, tu vas empêcher Shayatin de rentrer. Mais toi non, il y a Shayatin peut-être qui te donne des idées. Non, mais le rouge c'est mieux que le vert. Pourquoi? Parce que tu as délaissé ces préceptes religieux et divins. Ensuite, tu te plains, je me sens mal chez moi. Quand je rentre chez moi, je veux partir. Il y a des choses qui sont interdites, haram. Et pour te donner bonne conscience, certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des sortes de stickers. Maintenant, c'est la mode. Avec des versets coraniques. Ou bien, ils achètent des tableaux avec le Coran al-Karim. Et ils mettent, par exemple, Ayat al-Kursi. Ou bien Amen al-Rasoul. Le prophète al-Rasoul, il a dit, toute personne qui, le soir, récite les deux derniers versets de Sourate al-Baqara, Amen al-Rasoul, ou bien les deux derniers versets, ici, ça lui suffit. Les savants, ils ont divergé, ça lui suffit de quoi? Et, قول الراجح من أهل العلم, c'est quoi? Ça lui suffit, et ça le protège de tout mal, de toute chose mauvaise, de shayatin. Le prophète al-Rasoul, il a dit, et comme vous connaissez dans le hadith avec Abu Huraira radiallahu anhu arda, où Shaitan, ici, il a informé Abu Huraira de cette sourate qui fait peur aux shayatin, et qui te protège contre shayatin, il dit, toute personne qui récite Ayat al-Kursi le soir, tu es protégé contre shayatin toute la nuit. Les gens, comme ils n'arrivent pas à faire ces efforts-là, ils cherchent la facilité pour se donner bonne conscience, ils prennent un tableau avec Ayat al-Kursi, ils la posent dans les murs. Et après, ils essaient de trouver des fausses fatawa, fondées sur le hawa, en disant, ah, bah non, ça, Ayat al-Kursi, je la mets. Pourquoi? Lui va te dire, bah parce qu'il y a des savants qui ont dit que ça te fait rappeler Ayat al-Kursi, ça te pousse à réciter Ayat al-Kursi, donc il y a un bien dans ça. Mais la plupart des gens, c'est des menteurs. Ils se donnent bonne conscience. Et ils savent pas qu'ils sont en train de mettre un pas dans le shirk. Et ça, c'est le même principe que quoi? As-Suwar, les photos. Comme à l'époque, ici, où? Ici, Shaitan est venu insuffler ses mauvaises pensées à qui? À l'époque de qui on parle là? À l'époque de Noé, alayhi salam. Quand des pieux sont morts, c'était des gens pieux, Shaitan, étape par étape. Mais pour pas les oublier, c'était des gens pieux. Au moins, faites quelque chose pour pas les oublier quand vous les voyez, ces statues-là, de ces personnes qui étaient pieux, au moins vous rappelez d'eux. Et ensuite, quand des générations après sont venues, ils ont vu ces statues-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, mais si ces gens-là, c'était des pieux. Donc nous, on fait beaucoup de péchés. C'est mieux de prendre intermédiaire ces gens-là, on va leur demander, ils vont demander à Allah, azza wa jalla. Ah, étape par étape. C'est quoi qui protège? C'est le tableau qui est sur le mur ou c'est Allah subhanahu wa ta'ala? C'est Allah Azza wa Jal. Et Allah te protège par la cause de quoi? Ce qu'il a cité dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire, la lecture du Coran. C'est pas à l'accrocher le Coran dans des murs. Et quelquefois, tu accroches des Corans, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans des murs. Et dans cette pièce-là, il y a des gens qui quoi? Fument la cigarette. Ou qui désobéissent à Allah. Ou qui font al-riba ou al-namima. Et ça tombe ici. L'importance ici du Coran al-Karim. Ça rabaisse l'importance du Coran al-Karim. Allah Azza wa Jalla n'a pas descendu le Coran al-Karim, les tazin al-Judran. Et encore pire pour embellir les mosquées wal-Iyadu Billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit pourquoi il a révélé ce Coran. Kitabun Mubarak, c'est un livre béni qu'on a descendu sur toi, Muhammad alayhi salatu wa salam. Liyadabbaru ayati. Allah, il a dit pour qu'il médite ces versets. Donc le Coran al-Karim, il a été descendu pourquoi? Pour le lire. Pour méditer ces versets. Pour faire la da'wa ila Allah Azza wa Jalla avec le Coran al-Karim, Allah dit dans le Coran, fadhakkir bil Coran. Ah, et rappelle avec le Coran. Le Coran, on doit vivre avec. Aisha radiallahu anhu wa'ala a dit sur le prophète alayhi salatu wa sallam, kana khuluquhu al-Quran. Son comportement, c'était le Coran al-Karim. Donc c'est pour vivre avec. Maintenant, nous, c'est quoi? Soit on embellit les murs, soit naqra'u al-Quran ala al-amwat wa al-iyadu billah. On lit le Coran sur les morts. Et peut-être tu vas dire, lire sur le mort. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس ذلك. Qu'est-ce qu'il a à voir le mort avec le riba maintenant? Zama, tu crois qu'il va appliquer, va se lever, va ressusciter, va dire oh bah allez je vais vider mon compte en banque, je vais arrêter de faire le riba? Tu lis des versets coraniques sur le riba. Regardez les gens, comment le shaitan il a joué avec les insan. Le Coran il lui sert plus à rien. Le Coran Allah l'a descendu pourquoi? Pour appliquer ce qu'il y a dedans. Mais quand t'es mort tu peux appliquer? Non, la preuve que quand t'es mort ça te sert plus à rien, ya Abdallah. Donc à quoi ça sert que tu lis le Coran al-Karim sur un mort ou que tu accroches le Coran al-Karim dans des murs? Le Coran al-Karim, tu dois le réciter pour qu'il te protège vraiment. Tu dois l'écouter, tu dois le méditer, tu dois le transmettre, tu dois l'appliquer. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla l'a descendu le Coran al-Karim. c'est pour le mettre en application. Maintenant, nous, le Coran al-Karim, on a joué avec, et même, plus que cela, on a embelli, wal-iyadu billah, al-Coran al-Karim. Et c'est pour ça que, ici, je vous cite quelques paroles qui parlent même de le Coran al-Karim. Dans Al-Hakim, et Al-Tirmidhi rapporte de Abu Darda, qui a dit, lorsque vous décorerez vos mosquées, écoutez ce qu'il dit, lorsque, parce qu'on a parlé de l'embellissement des mosquées, lorsque vous décorerez vos mosquées, et ornerez vos exemplaires du Coran, la destruction vous touchera, et le hadith est cité dans Sahih al-Jami'. Lorsque vous allez embellir vos mosquées, et vous allez embellir vos Corans, la destruction va vous toucher. Maintenant, on a embelli les mosquées, et on a expliqué l'embellissement. C'est pas quelqu'un qui va entendre embellissement, et il va dire c'est interdit. Non, on a expliqué quand c'est autorisé, quand c'est interdit, dans les détails au début du cours. Et quand vous allez embellir, orner Al-Qur'an Al-Karim, la destruction vous touchera. C'est qui l'a pris? Qui l'a dit? Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc ici, ou Abu Darda radiallahu anhu warda afwan. Ici, ça nous rappelle que quoi, yu al-ahibba, le fait d'embellir, même le Coran al-Karim, c'est interdit. Parce que plus tu vas embellir le Coran al-Karim, et plus ça va devenir quelque chose ici qui va perdre sa valeur. Et c'est comme les mosquées, plus tu embellis les mosquées, et plus la spiritualité descend et diminue. Nous, ce qui nous est demandé, c'est d'appliquer le Coran al-Karim. Et combien de Corans maintenant on voit dans les boutiques ou dans des librairies avec une superbe pochette, et les gens maintenant ils achètent le Coran pour le poser sur la table ou pour poser chez eux dans un endroit de la maison, et peut-être ils l'ont jamais ouvert, wal-iyadu billah. Et le prophète ici, qu'est-ce qu'il dit à Abu Darda? Il dit, là, attendez-vous que, et ici, la destruction vous touchera, wal-iyadu billah. Et l'imam al-Munawi, c'est pas al-Nawawi, al-Munawi, rahimahullah ta'ala, il dit, il est donc interdit d'orner les mosquées et les exemplaires du Coran, car cela détourne le corps de la, le cœur afwan de la méditation. Afala yatadabbaroun al-Qur'an. De la méditation. Tellement que c'est embelli. De la crainte et de la présence d'esprit qu'il faut avoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est l'imam al-Munawi qui l'a dit, rahimahullah ta'ala, et ça, c'est une réalité. C'est pour ça qu'on se doit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut agir comme il se doit, yu al-ahibba. Quand on embellit les mosquées, il faut faire attention. Quand on embellit nos demeures, nos maisons, il faut faire attention. Quand on s'embellit soi-même à travers des habits, il faut faire attention. L'embellissement autorisé, être propre, c'est demandé. L'excès, le gaspillage, c'est interdit. Et il y a des limites à ne pas dépasser. Et ça, c'est la compréhension saine, yu al-ahibba, de cette noble religion. والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فينا وفيكم والسلام عليكم ورحمة الله